Chapitre 8e. Arrestation. Ce soir-là, le quartier au sud de l'archevêché retentit de cris et de pleurs déchirants. La mère Larieux venait de rendre visite à la dépouille de son époux qu'on avait retrouvée près des fondations de la nouvelle prison. La femme déambulait dans les rues, échevelée, à moitié saoule. Son inextinguible chagrin était plus causé par la perte de l'argent de son époux que par sa mort elle-même. « Ma carréou, ils m'ont assassiné !» gémissait-elle. « Mais ça, bast, ce n'est pas bien grave. En revanche, putta de vida, ils m'ont volé. Ils lui ont pris l'argent qu'il avait sur lui, et cet argent, je n'en verrai pas la couleur. Pauvre de moi, qu'est-ce que je vais devenir toute seule, sans le sou ?» Ainsi, Corentin et Anissa réalisèrent, d'une part, qu'ils n'avaient pas pensé à fouiller le mort, mais que, d'autre part, la mère Larieux devait être au courant des trafics de son mari. Parvenue dans la rue Saint-Laurent plus passante, elle en dit un peu plus. « Il y avait des royalistes dans la cave de ma maison, et ces royalistes, ils avaient payé mon mari, et cet argent, ils m'ont volé, les chiens, les gueux !» Tant et si bien que cette histoire de royalistes dans la cave commença à interpeller les gens du quartier. Interrogée à ce sujet, Jeanne Larieux dit qu'elle ne savait pas qui étaient ces gens, mais il y en avait eu, elle en était sûre, elle leur avait même fait de la soupe. Ceux qui connaissaient bien la femme Larieux n'eurent aucun mal à identifier la cave dont elle parlait, située juste sous son logement, au coin des rues du Griffon et de la Porte Peinte. Le propriétaire de la maison, alerté par ses cris et ses jérémiades, s'émut de son histoire, si bien que ce fut tout naturellement qu'il s'adressa à Corentin pour lui demander ce qu'il pensait de cette histoire. L'ébéniste fit mine de tomber des nues en apprenant la chose. Comment ? Des gens dans sa cave ? Mais c'était une histoire à dormir debout. Et qu'aurait-il fait dans sa cave ? Passer du brou de noix sur ses chaises ? C'est idiot, citoyen. Nous nous connaissons depuis bien longtemps et vous n'avez jamais eu à vous plaindre de moi et de l'usage que j'ai fait de votre cave. Je pense que, s'il y avait eu du monde chez vous, vous l'auriez certainement remarqué. Le propriétaire, homme débonnaire, se satisfit de ces explications. Mais il n'en alla pas de même pour les mauvaises langues du coin, et Dieu sait si elles étaient nombreuses. Le quartier était habité par des ouvriers, des manœuvriers, des petites gens ayant tendance à jalouser les artisans qui aspiraient à la classe bourgeoise. Ainsi, le lendemain, plus d'un avait réécrit l'histoire de la mère Larieux à sa façon. Corentin était de mèche avec l'ancien marin. Ils avaient caché des royalistes en échange d'écus. Larieux s'était approprié la somme et Corentin, voulant se venger et récupérer sa part, avait tout bonnement auxilié Larieux sans autre forme de procès. L'histoire était, on ne peut plus clair, et le raisonnement d'une logique imparable. Sentant venir le coup, Anissa et Corentin, au beau milieu de la nuit, dans le noir, avaient vidé la cave de la paille répandue au sol et s'étaient débarrassés de la tinette dans une ruelle voisine. Le faitout de terre dans lequel les occupants avaient mangé leur soupe fut ramené chez Anissa. Vers 10 heures du matin, une patrouille fit irruption dans l'impasse des Aiguesiers et un officier de la garde nationale vint annoncer à Corentin qu'il était déclaré de prise de corps pour l'assassinat du citoyen Larieux. Malgré les véhémentes protestations du prévenu, les vociférations de Manon et d'Armande, les mises en garde d'Anissa déclarant qu'il allait sur le champ en référer aux amis de la Constitution, Corentin eut les mains liées derrière le dos et fut poussé sans ménagement dans la direction de l'hôtel de ville. L'escouade ne put empêcher les amis, les curieux, de suivre le groupe jusque dans la cour de la mairie. Certains s'en prenaient aux gardes, d'autres huaient Corentin, et les deux parties s'invectivaient copieusement. Des coups furent même échangés. Corentin fut amené dans les sous-sols de la mairie et jeté plus que poussé dans un étroit couloir au sous-sol, à droite de l'escalier central, dans une cave longue et humide, éclairée faiblement par deux soupiraux donnant sur la rue des Cordeliers. Resté dans la cour, Armand et Manon adressèrent une prière muette mais fervente à la Vierge trônant dans la niche, au-dessus du balcon central. On referma sur Corentin la grille de fer de cette prison provisoire. Tout de suite, une infecte odeur agressa ses narines. Ses yeux s'habituant à la faible clarté, il s'aperçut que le local n'était équipé d'aucun mobilier, mais qu'un long bas-flanc de pierre était ménagé sur un côté. 5 autres personnes occupaient déjà le lieu. Ne sachant que faire, Corentin finit par s'asseoir en s'adossant à la muraille et s'intéressa à ses codétenus. Il remarqua que 2 femmes encore jeunes, blotties l'une contre l'autre, en faisaient partie. Un gros homme était avachi dans un coin et lâchait de temps à autre un paix sonore et fétide, contribuant ainsi à la pestilence du lieu. Un autre, portant un gros pansement sanguinolent à la tête, était couché en chien de fusil et gémissait faiblement. Un troisième homme, jeune, celui-là, ne tenait pas en place, faisant quelques pas, se rasseyant, se tordant les mains, et recommençant sans cesse son manège. Son empathie prenant le dessus, Corentin essaya de se rapprocher du jeune homme pour engager la conversation. « Depuis combien de temps es-tu là, citoyen ?» demanda Corentin. « Depuis hier, » répondit le jeune homme. « Enfin, je crois, je ne sais plus. Je deviens fou, moi, ici. » Parler lui avait fait du bien. Il s'assit à côté de Corentin, semblant décidé à lui faire un brin de causette. « Qu'est-ce que tu as fait pour être ici ?»« Mais rien. Justement, je n'ai rien fait. Simplement, j'ai omis de saluer un groupe de gardes nationaux et surtout, j'étais sorti sans cocarde. Tu vois un peu, citoyen, à quels excès nous en sommes parvenus. » Ce disant, il gesticulait sous le coup de la colère. Corentin voulut l'apaiser. « Tu ne seras pas condamné pour cela, tout de même. Un rappel à l'ordre, simplement. Du moins, je l'espère pour toi. Dame, mais en attendant, je croupis ici. Et toi, citoyen, tu as tué père et mère ? Non, je n'ai tué personne. Je suis accusé du meurtre de Larieux, un propre arien qui m'a entraîné dans une triste affaire, bien malgré moi. Tout est contre moi, mais je suis innocent, tu entends ? Innocent ! » répéta-t-il en insistant sur le mot. « Je ne veux pas te décourager, l'ami, mais si tu ne parviens pas à te disculper, tu risques la corde. » « Pardi, je le sais bien, quelle guigne !» Puis, avisant les deux femmes à l'écart, Corentin demanda au jeune homme de quoi elles étaient accusées. « Ah ! Toutes les deux ont déjà un pied dans l'au-delà. La blonde a égorgé son mari qui la battait. Elle a été prise le couteau en cours sanglant la main. Quant à la grande, elle a noyé son enfant dans la torse parce qu'elle n'arrivait plus à le nourrir. Tu te rends compte, citoyen, en arriver à ce point ?»« C'est vrai, » répondit Corentin d'un ton pénétré. « On ne se rend pas toujours compte de la réelle misère des gens. » Corentin remarqua alors, dans le fond de la cave, une couverture tendue sur une corde qui traversait le local. « Il y a quelqu'un derrière ? » demanda-t-il à son voisin. « Mais non, ce sont les latrines. C'est ça qui pue autant, nom de Dieu, avec le gros qui pète toutes les 5 minutes. On est parqués ici pire que des bêtes. Si c'est ça la révolution, merci bien. » Pendant ce temps, Anicet s'était rendu à la chapelle du Collège Bourbon, siège du Club des Amis de la Constitution. Il rameuta ceux qui s'y trouvaient. Montant à la tribune, il se mit à plaider avec ardeur la cause de son ami en haranguant les membres présents. « Citoyens, mes frères, allez-vous laisser un innocent être condamné à la pendaison ? Ce serait une violation de tous les serments de justice et d'équité que nous avons prêtés. Les procureurs et les juges sont aux ordres de Rive et plient devant ses volontés pour ne pas attiser la hargne de cet excité. Plus il y a de condamnés, plus Rive et ses sbires jubilent. Nous n'avons pas le droit de leur laisser le champ libre. Nous ne commettrons pas cette ignominie. Réveillez-vous, mes frères. Ne voyez-vous pas que certains veulent accaparer le pouvoir, tous les pouvoirs ? Marchons sur la maison commune et allons demander la libération de Gassin qui est innocent, je vous le répète. » Humbert a raison. Ne nous laissons pas faire. Et qui sait, certains antipolitiques nous prêteront peut-être main forte. À la maison commune, libérons Gassin. Libérons Gassin ! Reprirent tous les autres. Ainsi, en un rien de temps, Anicet avait réussi à gagner la bienveillance du club. Restait maintenant à obtenir la libération effective de Corentin, chose a priori non évidente. Une cohorte d'une trentaine d'hommes se forma aussitôt et prit la direction de l'hôtel de ville. Tant que Corentin y était détenu, le coup était jouable, Anicet le savait. Si l'on attendait qu'il fût transféré aux prisons des casernes, cour Sainte-Anne, la chose devenait bien plus difficile car on aurait affaire aux soldats. Pour ne pas donner l'alarme trop tôt, Anicet conseilla à ses acolytes de se déplacer sans cri ni slogan. Ainsi, personne ne s'opposerait à leur intrusion dans la mairie. Après, on laisserait l'intuition guider la stratégie. Une fois dans la cour du bâtiment, Anicet commença à pousser une première harangue. « Vous devez libérer Gassin, il est innocent !» Les autres reprirent en chœur avec un bel ensemble, le poing levé. « Gassin est innocent, il est innocent, libérez-le !» Ce concert dura bien 5 minutes, qui permirent aux curieux d'entrer dans la cour et de prêter main forte de la voix et du geste. Deux ou trois édiles parurent alors au bas du grand escalier, tout de suite entourés d'une demi-douzaine de gardes nationaux. Anicet s'avança au devant d'eux. « Nous voulons parler au vice-maire. C'est un homme bon et juste, il saura nous entendre. »« Vous n'allez tout de même pas tuer plusieurs hommes pour en libérer un seul ?» se récria un édile. « Nous ne tuerons personne !» répondit Anicet d'une voix forte. « À moins que nous ne soyons obligés de défendre nos vies. N'est-ce pas, mes frères » demanda-t-il en se retournant vers les autres. « Oui, » fut-il répondu encore. « Nous ne voulons pas de mal. Faites venir le vice-maire. » Émeric David apparut enfin au haut de l'escalier. Aussitôt, il reconnut Anicet, son témoin de la veille. Il descendit et vint droit à lui. « Que se passe-t-il, citoyen? Quelle est cette alarme ?» La troupe derrière Anicet grondait sourdement. Il se tourna et demanda du geste le silence. « Gardez votre calme, citoyen. Je vais expliquer le cas à notre vice-maire. » Il se retira dans un coin de la cour où Émeric David le suivit. « Citoyen vice-maire, les gardes ont arrêté mon ami Corentin Gassin, soupçonné d'avoir assassiné un voisin, Octave Larieux. » « Oui, le coupa Émeric David, je suis vaguement au courant. « Mais c'est absolument faux, monsieur !» s'écria Anicet à qui le terme « monsieur » venait d'échapper. On raconte que ce Larieux a caché des contrats révolutionnaires dans sa cave, moyennant des écus qu'il a partagés avec ton ami. Or, on n'a pas retrouvé la somme sur le mort, ni à son domicile. Sa femme déclare ne pas l'avoir trouvé. D'ailleurs, on ne connaît pas non plus l'identité de ceux qui ont été cachés. Tout accuse ton ami, citoyen, j'en suis désolé. » Anicet secouait ses mains de désespoir et trépigna même du pied. « mais non, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Moyennant finance, Larieux a caché des gens dans la cave de Corentin. C'est possible, mais c'est à son insu, Corentin ne savait absolument rien. » « Mais pourquoi les cacher justement dans la cave de ton ami, citoyen ?»« D'abord, parce qu'habitant la maison, Larieux en avait la clé. » Et ensuite et surtout parce qu'il devait compter faire chanter mon ami en lui soutirant de l'argent en échange de son silence. Il projetait certainement d'aller tout révéler à la police s'il ne payait pas, et même qu'une fois l'argent poché, il l'aurait tout de même dénoncé. Corentin jouit d'une bonne réputation dans le quartier parmi les membres du club. Larieux savait que ce coup-là le déshonorerait, à coup sûr. « Raison pour laquelle ton ami l'a oxy, » conclut logiquement Émeric David. « Pardonne-moi, citoyen, mais c'est idiot. » Corentin ne savait rien de tout cela. S'il l'avait vraiment tué, il l'aurait fait disparaître son corps et ne l'aurait pas laissé pourrir derrière les ruines du palais. Intrigué, Émeric David releva vivement la tête. « Comment sais-tu que c'est là qu'on l'a trouvé ? » demanda-t-il d'un ton inquisiteur. « Mais tout le monde le sait, citoyen, ce n'est pas un secret. Non, je te répète que ce n'est pas lui. Et puis, que sont devenus ces soi-disant contre-révolutionnaires qui étaient dans la cave ? Il n'avait-il seulement ? « Si tu te bases uniquement sur le témoignage d'une ivrognesse, tu as une piètre vue de la justice, citoyen. Elle est la seule à prétendre une telle chose. Les a-t-elle vues, seulement? Peut-elle les décrire? Non, c'est une histoire montée de toutes pièces. Moi, je crois plutôt que c'est elle qui l'a oxy et lui a pris la bourse qu'il ne voulait pas partager avec elle. Voilà la vérité. » Émeric David prit une grande inspiration, prouvant que l'argument avait porté. Anicet jugea qu'il était temps de pousser son avantage. « Libérez mon ami, monsieur le vice-maire, et faites surveiller Jeanne Larieux. Vous verrez que dans quelque temps, son train de vie va changer. Larieux avait peut-être de l'argent qu'il a dû faire miroiter à sa femme, après avoir fait un mauvais coup. Vous devez savoir qu'il participait à ces attaques de bourgeois, sous prétexte de politique. Combien ont déjà été volés dans Aix? Et pour tous ces forfaits, vous allez faire payer un innocent et un honnête artisan ?» Émeric David grattait un pavé du bout de sa botte, absorbé dans une profonde réflexion. Anicet sentait que la partie était presque jouée. « Regarde ces hommes, citoyen vice-maire. Aurais-tu la malignité de les décevoir, toi dont la réputation de droiture est reconnue de tous ?» Émeric David posa sa main sur l'épaule d'Anicet avec un sourire. « C'est beau l'amitié, citoyen. Je vais accéder à ta requête, mais l'affaire n'est pas finie, j'en réponds. » Il se rendit alors sur les premières marches de l'escalier et étendit les mains pour montrer qu'il allait parler. « Citoyen, votre frère m'a convaincu. Je vais faire libérer le prisonnier, mais... » Il fut interrompu par des hurrahs. « Mais l'affaire n'est pas terminée, sachez-le !» Un garde vint déverrouiller la grille de la cave prison. Aussitôt, le jeune homme se leva et darda ses regards vers l'ouverture, plein d'espoir. « Corentin Gassin, lève-toi, citoyen, tu es libéré. »« Et moi ?» hurla le jeune homme. « Dites-moi au moins pourquoi on me garde prisonnier ?»« Citoyen, va te rasseoir et ne fais pas de tapage. » « Allez, toi, » dit-il à Corentin, « avance. » Lorsque Corentin apparut dans la cour, les chapeaux volèrent, des cris de victoire retentirent. Anicet prit son ami dans ses bras et une solide accolade affectueuse les unit. Armand et Manon se frayèrent un chemin pour parvenir jusqu'au prisonnier libéré. « Tu m'as sauvé, mon frère, » balbutia Corentin, les larmes aux yeux. « Ne chante pas victoire trop vite. Émeric David l'a dit, l'affaire n'est pas terminée. » Armande fut plus rapide que Manon pour prendre les mains de Corentin. Elle posa sa tête contre la poitrine de son ami et lui murmura à l'oreille. « J'ai eu très peur. J'ai cru que j'allais te perdre, mon aimé. » Pendant ce temps, Manon s'était jetée dans les bras d'Anicet. « Tu es mon héros. lui dit-elle, tu es fort. Quand je suis près de toi, tous les malheurs disparaissent. » Autour d'eux, l'assistance se congratulait et l'un des hommes lança à son ami « Tu vois bien que la rousse est la femme de Gassin, j'avais raison. » Puis, par petits groupes, on raccompagna Corentin chez lui, impasse des aiguesiers au cri de « Vive la Constitution, vive Imbert, vive Gassin !» L'émotion ayant libéré leurs réserves, Corentin tenait Armande par les épaules et Anicet en serrait la taille de Manon. Les deux rouquins faisaient plaisir à voir. Nul doute que du sang wallon devait couler dans leurs veines. Quant aux deux autres, Brun, les traits fins et la peau basanée, ils ne pouvaient nier leurs ascendances méditerranéennes. Certaines commères trouvèrent à jaser, mais la situation troublée et précaire de cette période inclinait les gens à vivre pleinement et à s'affranchir des tabous. Le citoyen devait s'assumer pleinement et en toute liberté.